zone de guerre, c'est ghetto. Mon rap, c'est ghetto. 9-4, c'est ghetto. L'IM, c'est ghetto. Criminel, ghetto. Originaire, ghetto. La haine, c'est ghetto. La vie, c'est ghetto. La mort, c'est ghetto. Béni, c'est ghetto. On sort du ghetto. On fuck ton ghetto. La hyène, c'est ghetto. Capuche, c'est ghetto. C'est 400 yens, ghetto. Du point à la paix, ghetto. Le ghetto, capuche, c'est ghetto. Prodige, le ghetto français. CRS, missile. Fuck de police, violence urbaine, délinquants juvéniles, suicide et problèmes, politique la même, magouille, pouvoir, les armes à feu, tes gars sont morts, du rap, du foot, Paris, Marseille rend fou, les drogues, les procs, Belly, le Corse, des doutes, l'amour, mensonge, sauf l'amour d'une mère, méfie-toi d'une pute, liberté, la chute, égalité, un rêve, l'immigration choisie, esclavage moderne. J'bouge avec la hyène, bécane, mon pote. On arrive, gangster, des flingues, encore. Une crêpe, Bastille, le FN, nazi. C'est la guerre dans le ghetto, si tu veux tirer, vas-y. Zone de guerre, c'est ghetto. Mon rap, c'est ghetto. 9-4, c'est ghetto. L'hyène, c'est ghetto. Criminel, ghetto. Originaire, ghetto. La haine, c'est ghetto. La vie, c'est ghetto. La mort, c'est ghetto. Béni, c'est ghetto. On sort du ghetto. On fuck ton ghetto. La hyène, c'est ghetto. Capuche, c'est ghetto. C'est 400 yens. Ghetto, du point à la paix. La vie des drames, des armes, du son, du ghetto, du rap. Des raps, ça, des plaques, du fric, du sang sur les pifs, du crime, des flics, des plots et des crips, du shit, des spliffs et la cesse pour les bitch. Criminel, city, la maille, le style, des royalties hostiles sur le beat. Des jeunes, des dogs, des junkies, du top, du genre, des plots, des caves pour la torture des morts, des ordures des porcs, des clios, des porches, des trous sur les portes et des clous dans les poches. Une putain d'époque et du rap sur du mort. La guerre de la drogue, une balle pour le prof, un doigt pour le prof, des visions hardcore. La haine dans la gorge et l'alcool sous les gorges. Le poids et ma force, 9-4, tout le monde est d'accord, d'accord. Zone de guerre, c'est ghetto. Mon rap, c'est ghetto. 9-4, c'est ghetto. Rien, c'est ghetto. Criminel, ghetto. Originaire, ghetto. La haine, c'est ghetto. La vie, c'est ghetto. La mort, c'est ghetto. Béni, c'est ghetto. On sort du ghetto. On fuck ton ghetto. La hyène, c'est ghetto. Capuche, c'est ghetto. C'est 400 yens, ghetto. Du point à la paix, ghetto. L'Aldemar, c'est ghetto. Champigny, ghetto. Genevière, c'est ghetto. Fontenay, c'est ghetto. Vitry, c'est ghetto. Crété, c'est ghetto. Alfortville, ghetto. Roissy, c'est ghetto. Limay, c'est ghetto. Villeneuve, c'est ghetto. Bonneuil, c'est ghetto. Joinville, c'est ghetto. Livry, c'est ghetto. Orly, c'est ghetto. Villejuif, c'est ghetto. Athier, c'est ghetto. Paris, c'est ghetto. Marseille, c'est ghetto. Bordeaux, c'est ghetto. Amiens,